ce n'est pas une sinécure que l'existence découvre. Monsieur l'inspecteur, je vous jure que nous n'y perdons pas de temps. Au jour qui naît, c'est vite fait de s'éveiller, de se lever, de s'habiller et de prier. Au réfectoire, on court soudain manger et boire du lait, du pain. Puis nous faisons des macarons, des friandises, des gourmandises qui parlent très dès le matin, vont chez Potin. Ces demoiselles sur des modèles font des dentelles pour l'évêché. Et nos fillettes, moins que nous fêtes, à ce labeur trop recherché, font des layettes pour le Louvre et le bon marché. Puis nous allons à nos leçons. Le professeur d'anglais, d'abord Mr. Wilmot. Nous lisons Walter Scott, Peter Scott et bien d'autres auteurs en Scott. Kenilworth, Miss Egworth, Milton, Addison, Tennyson, Lord Byron, Shakespeare et Miss Corda. Good morning, how do you do, my sister? Puis l'allemand, autre morceau, Peter Schlemihl de Chamizo. Schlemihl, Schlegel, Hegel, Vogel, Nimbor, Flesing, Tiglu, Nist, Seling, Nist, Achim, Darnim et Grimm, Hoffmann, Goethe, Schiller et ce bon Krumacher. Guten was haben Sie, meine Schwester? Et puis le soir, on fait de la musique. Au parloir, toutes nous voilà. Je prends ma harpe et je m'applique à jouer un Alléluia. Ma bonne mère, jouerai-je pour monsieur le doyen? Mais sans doute, mon enfant. Mais ma mère, je n'oserais pas. Allons, allons, allons, voyons.